en allemand se dit du. Du, ça s'écrit du et se prononce du. Du reste se dira du bleibst. Du bleibst. Le verbe qui suit du est caractérisé par une terminaison en st à la place du en qui était la terminaison de l'infinitif. Alors, comment diriez-vous combien de temps restes-tu ici? Wie lange bleibst du hier? Tout à fait. Wie lange bleibst du hier? Revenons maintenant au futur. Comment diriez-vous je le ferai? Je vais le faire. Ich. Ich werde es tun. Bien. Ich werde es tun. Et je ne le ferai pas? Je ne vais pas le faire? Ich werde es nicht tun. C'est cela. Ich werde es nicht tun. Comment diriez-vous nous resterons ici? Wir werden hier bleiben. Werden. Werden. Bien. Donc, nous resterons ici. Wir werden hier bleiben. Bien. Wir werden hier bleiben. Et comment diriez-vous, ils ou elles resteront ici? Ils ou elles vont rester. Sie bleiben hier. Sie bleiben hier, ça veut dire ils ou elles restent ici. Mais comment dites-vous, ils ou elles vont rester ici? Ils ou elles resteront ici. Sie werden hier bleiben. Sie werden hier bleiben. C'est ça. Et maintenant, comment direz-vous à quelqu'un que vous voyez, vous resterez ici? Sie werden hier bleiben. Sie werden hier bleiben. Et combien de temps restes-tu? Wie lange bleibst? Bleibst, oui. Bleibst du? Bien. Wie lange bleibst du? Wie lange bleibst du hier? Ça serait donc combien de temps restes-tu ici? Je resterai, je vais rester, se dira. Ich werde bleiben. Ich werde bleiben. Combien de temps resterez-vous? Wie lange werden Sie bleiben? Wie lange werden Sie bleiben? Et comment diriez-vous, ils ou elles ne resteront pas ici, ne vont pas rester ici? Sie werden nicht hier bleiben. Ici? Hier. Bien. Sie werden nicht hier bleiben. Et combien de temps restes-tu? Wie lange bleibst du? Bien. Wie lange bleibst du? Encore une fois, je resterai, je vais rester. Ich werde bleiben. Ich werde bleiben. Tu resteras? Tu vas rester? Du wirst bleiben. C'est ça. Du wirst bleiben. Du wirst. Du wirst bleiben. Et je ne sais pas combien de temps il restera. Combien de temps il va rester? Ich weiß nicht, wie lange er wird. Attention, après wie lange? Quand « wie lange » est placé en milieu de phrase, l'ordre des mots est le même qu'après « weil ». Le verbe est placé à la fin. Alors reprenez. Je ne sais pas combien de temps il va rester. Ich weiß nicht, wie lange er bleiben wird. Oui. Ich weiß nicht, wie lange er bleiben wird.